Donc, vendredi 4 août 2023, dans les jardiniers de la Biennale d'architecture, nous allons faire un tour du pavillon de la Francia, dans lequel il y a deux installations sonores, une première sous le porche et une seconde tout au fond. Entrons. Come stai? Bene, bene, benissimo. Sono registrando. No, tutto bene. Con la vita. Here is louder than it is. direttore artistico. Latitude zero. Built on the slopes of the Pichincha volcano. Et voilà, 10 minutes.